peine, comme quelqu'un qui est toujours dans les funérailles. Écoute-moi bien, même si tu as perdu un être cher, même si tu as perdu ton mari, ça fait plus des années, ça fait plus de 5 ans. Maintenant, l'Éternel, il va faire de grandes choses. Oublie ce qui s'est passé, oublie les déceptions du passé et commence à louer le Seigneur. Parce que Dieu est capable de faire de grandes choses. Il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour pleurer. Le temps pour pleurer est passé. Maintenant, l'Éternel veut que tu commences à te réjouir. Vous voyez ici, Néhémie a fini la reconstruction de la muraille. Après avoir vu la main de Dieu, ils ont eu une assemblée solennelle. C'était un jour de célébration. Il fallait maintenant qu'on célèbre l'Éternel pour ce qu'il a fait. Mais ici, il est dit, au verset 9, Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, les scribes, les lévites, qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'esprit de confusion. C'est-à-dire, là où Dieu t'est béni, là où tu devrais te réjouir, toi tu pleures. Je vais demander à une sœur, je vais dire, écoute-moi bien, tu ne vois pas que la main de Dieu est sur toi? Il y a quelqu'un qui vient de te demander la main en mariage. Au lieu de te réjouir, toi tu commences à t'apitoyer, ça fait pitié, vraiment, moi j'ai déjà plus de 40 ans, je ne sais pas ce qu'il y a dans la famille, il y a la sorcellerie, abandonne ça, c'est plainte. Vois la main de Dieu, commence à louer Dieu, parce que ce que tu as vu là, ça démontre que Dieu t'a ouvert une porte et il va encore te lever, te bénir. C'est un moment de réjouissance, apprends à te réjouir, apprends à louer le Seigneur. La joie du Seigneur, c'est ma force. Mais la tristesse aussi, ça fait la force de Satan. Est-ce que tu comprends? Dans une maison où au lieu de louer le Seigneur, on ne fait que palabre, on ne fait que pleurer, on ne fait que se plaindre, l'ennemi va prendre la place. Est-ce que tu comprends? Je vais dire à un couple, quand vous vous réveillez le matin, la première chose que vous devez faire, c'est de commencer à louer le Seigneur. Ce n'est pas de commencer à faire des palabres, de commencer à te plaindre. Mon mari ne m'achète pas pagne, ma femme ne fait pas ceci, il y a toujours l'angoisse. Vous commencez à frapper les enfants, tout le monde pleure. Non! Dieu siège au milieu de la louange. Nous devons apprendre à louer le Seigneur, à le célébrer. Parce que la joie du Seigneur, c'est-à-dire quand nous nous réjouissons dans le Seigneur, en le louant, en le glorifiant, en chantant des cantiques, c'est ce qui fait notre force. Mais quand tu te laisses abattre par l'angoisse, par de pleurs, ça peut même entacher ta santé. Est-ce que tu comprends? Et le diable prend place. Deuxième vérité, nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, mais qui l'interprètent à tort et à travers. Lorsque vous interprétez mal la Bible, lorsque vous ne comprenez pas la Bible, ça peut produire des effets négatifs. D'où nous avons besoin aujourd'hui des ministères des docteurs. Il faut que les hommes de Dieu apprennent à se former pour bien comprendre la parole de Dieu, pour bien faire l'herméneutique, l'exégèse, l'explication correcte de la parole de Dieu. Voici ce qui s'est passé. Si les enfants d'Israël ont commencé à pleurer, c'est à cause de la confusion. Quand on commençait à lire la loi, ça commençait à produire l'apitoyement. Maintenant, il a fallu des gens pour expliquer la parole de Dieu, pour qu'ils changent l'attitude. Il est écrit ceci, au verset 11. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Vous voyez, quand les gens ont compris l'explication de la parole de Dieu, ils changent d'attitude. Je vais parler à quelqu'un. La Bible te dit que tu as dit prix aux yeux de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si quelqu'un te dit que toi, tu es un raté, même si tout le monde dit que toi, tu es le plus vilain, tu échoueras toujours. Mais quand je lis la Bible, il me dit que Jésus m'a racheté à grand prix. Je dois changer d'attitude. Je ne dois plus être complexé. Je ne dois plus me sentir écrasé. Parce que je suis fier de ce que Jésus m'a racheté. Vous voyez? On dit, ils ont compris les paroles qu'on leur a expliquées. Le verset 13 dit, le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, les scribes, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Nous avons besoin des gens pour nous expliquer la parole. On n'a pas besoin de gens qui racontent leur vie, qui racontent n'importe quoi. Il faut les gens qui comprennent la parole, expliquer la parole. Vous savez, il y a une chose que nous devons comprendre. Quand vous lisez une parole de la Bible, là, il faut savoir d'abord le contexte dans lequel cela a été écrit. Aujourd'hui, il y a beaucoup, par exemple, qui interprètent mal certaines paroles de Paul. Quand on dit que les femmes s'étaient dans les assemblées, il faut porter les voiles. Il faut comprendre d'abord le contexte. Dans quel contexte Paul a parlé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Corinthe? Vous voyez? Il faut comprendre le contexte historique, le contexte sociologique. Il faut quelqu'un pour t'expliquer ces choses pour que tu puisses bien comprendre. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas mal appliquer. Il faut tenir compte de ce qu'on appelle les contextes larges, les contextes proches. Quand tu lis un verset biblique là, il faut voir, si tu lis le verset 5, il faut voir qu'est-ce qui est au verset 1, au verset 2, qu'est-ce qui est dans les chapitres précédents. C'est tout ça qui nous permet de comprendre. Beaucoup de gens tirent des versets de manière isolée et ils tirent des conclusions. Nous avons besoin d'explications. Nous avons besoin de docteurs. L'Église a besoin de docteurs pour expliquer la parole de Dieu, pour que les chrétiens ne soient plus emportés à tout vent de doctrine. Troisième vérité, c'est l'importance de l'application de la parole de Dieu. Il ne suffit pas pour nous d'écouter l'explication de la parole de Dieu, mais nous devons l'appliquer. L'un des problèmes auquel fait face les chrétiens aujourd'hui, l'Église, c'est que nous avons beaucoup de programmes, nous avons beaucoup de séminaires, mais les chrétiens n'appliquent pas la parole. Jacques pouvait dire, mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Lorsque les enfants d'Israël ont entendu l'explication de la parole de Dieu, ils ont compris que l'Éternel a ordonné par Moïse de célébrer une fête qu'on appelle la fête des tabernacles. Vous voyez ? Il est écrit ici, au verset 14, « Ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devraient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmiers, etc. » Le verset 5 dit, « Alors le peuple alla chercher des rameaux. » C'est-à-dire, ils ont exécuté ce qui était écrit. Ils se firent des tentes sur les toits de leur maison, dans leurs cours, dans les parvis, et la maison de Dieu, sous la place de la porte des eaux, et sous la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous des tentes. Nous devons mettre en application la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer en chantant ce cantique. Choses pâlissent en ta lumière. quand je contemple ta sainteté. Et quand je contemple ta bonté, et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière, quand je trouve la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent en ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Gloire au Seigneur, élève ta voix, dis merci au Seigneur, bénis-les, il est le roi de gloire, il est le Dieu merveilleux. Éternel notre Dieu, nous te disons merci, toi qui accomplis des grandes choses dans nos vies. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui réalise des merveilles dans nos vies à cause de ta bonté, ta grâce. Sois béni, ô notre Dieu, notre Seigneur, pour Jésus que tu nous as offert afin que nous soyons sauvés. Nous te bénissons, ô Jésus, toi la parole faite chair. Merci, Seigneur, pour la parole qui nous fortifie, qui nous édifie. Nous te prions en ce moment de nous aider à aimer la parole, à nous laisser enseigner, Seigneur, et que nous puissions réellement, par la puissance du Saint-Esprit, comprendre cette parole afin que nous puissions te célébrer. Oh, sois béni pour ta parole qui est esprit et vie. Nous te bénissons, ô notre Dieu, nous t'élèvons, nous te glorifions, nous te célébrons, notre Dieu, notre Seigneur, car tu en es digne, tu es digne d'être béni, notre Seigneur, notre Père. Que l'honneur te revienne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Le texte du jour, c'est Néhémie chapitre 8, 9 à 18. Nous venons de voir dans cette parole que la joie du Seigneur, c'est notre force. Le verset 9. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la joie. Que tous ceux qui sont abattus, que tous ceux qui sont dans l'angoisse, que tous ceux qui pleurent puissent demander au Seigneur de les libérer. Prie pour chasser cet esprit de pleurs. Si tu sens en toi comme si tu es couvert d'un habit de deuil qui te fait pleurer, tu vas prier pour que cet habit soit déchiré, afin que tu sois revêtu d'un vêtement de louange. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. silence dans la prière. Amen. Oui, nous venons de voir l'important de l'explication de la parole de Dieu. Prions l'Éternel pour qu'il continue à susciter des hommes de Dieu qui ont le ministère de l'enseignement, des docteurs, pour qu'ils puissent expliquer la parole de Dieu afin que le peuple de Dieu ne soit plus emporté par tout vent de doctrine. Prions le Seigneur. Sois béni ce matin, notre Dieu, notre Père. Sois magnifié, sois glorifié, acclamé, salmodié pour ta parole, pour ton esprit qui nous conduit. Merci, parce que l'Église doit comporter 5 ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs pour enseigner, pour interpréter, pour instruire, pour éduquer, pour mettre les enfants de Dieu, notre Père, sur le bon chemin. Nous croyons que cela est encore possible. Nous te demandons d'intervenir parce que l'Église est également l'univers de la connaissance, est une université où des gens viennent pour recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Il faut des hommes capables, des hommes qui ont l'instruction, la connaissance, tout ce qu'il faut pour communiquer avec puissance, avec autorité, interpréter la parole de Dieu selon les langues bibliques que nous connaissons aujourd'hui. Nous te prions de susciter ces personnes dans nos communautés parce que ton peuple périt aujourd'hui par manque de connaissance. Nous t'en supplions. Que ces hommes soient suscités et que ces hommes soient accompagnés et que ces hommes soient soutenus. Sois béni, sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir également l'importance de l'application de la parole de Dieu. Prie le Seigneur qu'il t'aide à mettre en application la Bible. Ça fait longtemps que Dieu t'a parlé par des prédications, par des enseignements. Mais le problème, c'est que tu ne mets pas en pratique. Prie pour que Dieu te donne la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions. Merci, parce que le psaume 119, verset 9 dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» En se dirigeant d'après ta parole. Seigneur, nous voulons nous diriger d'après ta parole. Nous voulons marcher par ta parole. Nous voulons vivre selon ta parole, selon les instructions, selon les enseignements que nous recevons, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, aide quelqu'un en ce jour à se détourner de ces mauvaises voies, de cette voie inique, de cette voie macabre, lugubre, de cette voie qui ne te glorifie point. Père, fais-nous sortir de ces voies que nous avons empruntées sans savoir pour certains. Nous te demandons par ton esprit donc de nous convaincre de péché, de jugement et de justice, afin que, Papa, nous marchions sur tes pas. Nous ne fassions que ce que tu nous demandes. Nous soyons des enfants obéissants, des enfants qui marchent à la suite de ta parole, à l'instruction de l'Esprit de Dieu. Merci d'honorer encore ta parole dans nos cœurs, de la serrer dans nos cœurs, de l'introduire dans nos pensées, et que chaque jour, en tout temps et en tout lieu, nous puissions être des fidèles, bons, agréables, nous puissions être des hommes et des femmes sur qui tu comptes. Merci Père, parce que encore aujourd'hui, nombreux sont ceux qui s'engagent à te suivre. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous attendons notre grand rendez-vous spécial OSP Jéricho, qui sera précédé d'un jeûne de 7 jours. L'apothéose sera le samedi 7 mai 2016 à l'église centrale d'Assemblée de Dieu d'Adjamé. Le livret sera bientôt disponible à 500 francs. Mais nous rappelons également que ce dimanche 24, Bonheur conjugal attend tous les célibataires aspirant au mariage. Nous allons poursuivre le thème de la fois dernière, combattre l'esprit de Sanballat qui s'oppose à notre mariage. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.